pour Jésus. Acclamons tous pour Jésus. Si on acclamait pour Jésus, il est le Fils de Dieu, le plus beau des fils des hommes, le Narcisse de Saron, le Lys de la vallée, l'étoile brillante du matin.